Hey, what's up, guys? This is the Swolverine, the effing machine, Mr. GMSI himself. And you're listening to me, Brian Cage, on the Wrestles Radio program. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en live pour ce nouveau numéro de Net at Wrestlers, ce qui concernera le pay-per-view Extreme Rules. Ici c'est Brousty qui vous accueille, l'animateur qui a kické un petit peu Pierre en dernière minute. Et avec moi, il y a une équipe très fine de Wrestlers Radio qui a répondu présent pour casser des genoux, des bras et d'autres membres du corps, on vous dit pas lesquels. Le premier est devenu notre impresario à l'étranger, vraiment une star internationale qui communique avec les States dans tous les sens. Avec tout le monde, avec tout le monde. Voilà, un petit spoiler, puisque vous avez reconnu la voix de notre cher Rubenito. Bonsoir à tous, je serai votre relais ce soir sur YouTube, sur le chat, si vous voulez communiquer avec nous. Voilà. Eh ben excellent, et puis de l'expérience surtout, parce que t'étais là à l'époque encore où je pense que Cena n'avait pas encore sorti sa première chaîne. Ah, mais j'étais là avant que Cena sache qu'il allait être catcheur. Voilà, c'est pas mal. Et puis surtout quand même, alors là attention, parce que je sais que certains l'attendaient vraiment avec impatience, il fait son retour dans le live, c'est notre bible, l'encyclopédie vivante du catch. Et ouais, c'est Renaud. Bang! Salut Brousty et salut tout le monde. Quelle présentation. Et quelle intro, franchement, merci bien. Ouais, même si je lis en fait un petit peu un texte, mais... celui qui a écrit le texte, merci à lui. Il y a un petit peu d'improvisation au milieu. Non, mais c'est vrai qu'une fois, on a eu un tweet pour nous demander où était Renaud. Donc, depuis, c'est devenu la légende de Wrestles Radio. Ouais, en fait, c'était mon cousin. Et oui, on remercie d'ailleurs Oumar Punk au passage. Je déconne, merci à lui, bien sûr. Et donc avec mes deux acolytes et puis vous tous qui écoutez en live et puis sur Twitter bien sûr, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag WRLive. Nous allons donc décortiquer le pay-per-view match par match et noter ensuite à la fin bien sûr comme d'habitude sur 10. Mais donc en attendant, ben, on vous laisse un petit peu avec le theme song des pay-per-view. Bon, je suis pas très doué en anglais mais on va y aller. Resistible du groupe Fallout Boy. Pardon. Pas mal. Waouh. Coming unannounced, drag my nails on the tile. I just follow your scent, you can just follow my smile. All of your flaws are aligned with this mood of mine. Cutting me to the bone, nothing left to leave behind. Et nous revoilà donc à peine 20 heures en arrière, on va dire, du côté de Allstate Arena de Chicago. Avec donc d'abord le pré-show comme d'habitude qui démarrait à 1h avec le panel, cette fois-ci j'ai tous les noms, c'est René Young qui est animé, qui était accompagné de Booker T, Byron Saxton et Corey Graves. Bien. Quelques interventions, et ouais, en plus avec l'accent. Et puis il y avait eu quelques interventions, Dean Ambrose est venu parler un petit peu de son match, et puis il y a quand même eu la news bien sûr, qu'on attendait malheureusement depuis une bonne semaine et son retrait de la tournée européenne, Daniel Bryan donc, qui ne participe pas au pay-per-view et qui est toujours quand même champion intercontinental pour l'instant. Et du coup, Banyus Barrett était dans un match de remplacement contre Neville, le nouvel arrivant de NXT. Et la surprise, c'est quand même que Neville s'est imposé après quand même un match de 10 minutes 36. Donc c'est quand même pas mal du tout. C'est une grosse performance, c'est quand même un peu une surprise, il faut être honnête. Je l'envisageais pas du tout de mon côté, donc c'est quand même pas mal pour ce catcheur hyper explosif. Rubenito, tu as vu le match? Oui, j'ai vu le match. Ouais, en fait, c'est vrai que moi, je m'attendais pas du tout à ce que Neville gagne, parce que bon, Barrett était quand même sur ces dernières semaines était quand même bien quoi, bien dans ses matchs, bien dans la carte. C'est lui qui, on va dire en story, aurait blessé Daniel Bryan. Enfin, du coup, c'est comme ça qu'il s'en servait un petit peu. Donc, du coup, c'est quand même un personnage assez fort. Et ça fait bizarre de le voir perdre contre contre Neville, j'allais dire aussi facilement non parce que ça n'a pas été une domination de Neville, mais je trouve que le fait que ça se termine avec le finish préparé, le finish réussi, ça montre quand même un Neville assez fort contre BNB. Et ça m'a un peu gêné quand même. Ça veut dire que en gros un mid-card de la WWE est au même niveau, voire un petit peu en dessous qu'un up-card de NXT. Donc je trouve que c'est un petit peu gênant. Enfin pour moi c'est un petit peu gênant. Je sais pas ce que t'en as pensé, Brosti. Ben ouais, d'un côté c'est vrai que Neville, moi je me demandais ce qu'il allait faire honnêtement, parce que venant de NXT, je me rappelle avoir déjà dit par le passé dans des Next Gen Wrestlers que j'étais pas très sûr de sa réussite, et pour l'instant il faut avouer qu'il est quand même assez bien placé. Il avait gagné bon des matchs contre Curtis Axel, à la limite ça on peut trouver ça normal bien sûr, mais ensuite oui, ça, il a oui. quand même gagné par disqualification contre Sheamus, déjà c'était pas si mal que ça, et puis là c'est vrai que c'est une victoire clean, même si il y a quand même un petit peu ce fait du rookie peut-être sur une grande scène, paradoxalement, même si c'est pas non plus un perdreau, il a quand même une sacrée expérience. Mais tout de même, là, il s'est relevé légèrement quand même avant le 3. C'est assez bizarre ça. C'est vrai. Ça m'a frappé. Je me suis dit, tiens, il a encore un tout petit peu green pour ce genre de truc. Et après, enfin, Renaud, peut-être qu'il pourra nous dire ça, mais je crois que c'était la première fois que deux Anglais se rencontraient dans un pay-per-view de la WWE, me semble, non? Ouais, c'est une possibilité, ouais. Ouais, je crois. Je t'avoue que j'ai pas... J'ai regardé vite fait, mais j'ai pas trouvé de souvenir. Ah, peut-être qu'on se fera reprendre de voler un jour par les gens qui écoutent, mais là, comme ça, à première vue, je pense que c'est la première fois que deux Anglais se rencontraient. Enfin, je sais pas si Regal et Barrett sont pas déjà croisés, quand même. Pas en pay-per-view, je crois pas. Ah, en pay-per-view, tu parles. En pay-per-view, c'est okay. Ça, ouais. Non. D'accord. Ensuite, okay. Par le passé, c'est vrai que je vois aucun nom. Et bien sûr, on avait le British Bulldog, notamment. Oui, bien sûr. Oui, mais en pay-per-view, d'accord, ouais. Voilà, le match en lui-même, je le trouvais quand même bon, c'était vachement tonique. Je trouve que les deux là, ils ont une bonne alchimie quand même dans le ring. Et Neville, ça convient parfaitement au style de Barrett, c'est-à-dire que t'as le mec bagarreur, un peu monomaniaque, on va dire, et le mec qui saute de partout. Donc moi j'aime bien ce genre d'affrontement et là, c'est vrai que c'était pas mal quand même. Ah oui, mine de rien, Neville, il a quelques côtés Brian, bien sûr, mais pas tout à fait pareil, je vais dire, dans le style exact, mais dans la mobilité, ça ressemble un petit peu. Donc c'est un petit peu vraiment le match de remplacement parfait pour moi. Il est plus mobile que Brian maintenant, je veux dire. Aujourd'hui, actuellement, oui, c'est sûr. Est un peu moins mobile et un peu plus technicien. Et Neville, c'est vraiment avec ses high fly, ouais, c'est assez intéressant quand même. Et petite question rapide, est-ce que vous pensez que Barrett peut devenir prochainement champion intercontinental ou que O'Brien va se faire prendre le titre prochainement? Moi, je vois pas Barrett avoir le titre intercontinental prochainement, perso. Je sais pas pour toi, Robinito. Non, moi, malheureusement, Barrett, j'ai l'impression que quand il a eu son momentum, il s'est blessé au mauvais moment et là, c'est très dur pour lui de revenir. J'ai l'impression que ça va être difficile pour lui de revenir à ce niveau-là. Je pense pas que ce soit dans l'actualité, là, voir BNB champion intercontinental, je pense pas. Ah d'accord, donc peut-être un autre nom, Brian encore champion, bien sûr, on verra la suite. J'espère quand même que Brian se remettra, parce que sinon ça sent la fin de la carrière, malheureusement. Ah ouais, c'est vrai, c'est terrible. Mais bon, en attendant, il y a eu encore une promo de Bray Wyatt aussi dans le pré-show. Pour l'instant, on sait toujours pas à qui c'est adressé. Donc, on verra plus tard, ça, je pense à Payback. Dans 3 semaines déjà. Et puis, d'ailleurs, ça rime avec Payback, je pense, la personne à qui c'est adressé. Peut-être, d'ailleurs, il va apparaître un petit peu plus tard dans le show, d'ailleurs. On va en parler peut-être très brièvement tout à l'heure, mais bon, voilà. Mais en attendant, on va basculer quand même sur le show principal maintenant. Avec, pour commencer, mine de rien, on commençait très fort avec Chicago Street Fight entre Dean Ambrose et Luke Harper. Et pour l'instant, dans ce début, au bout d'un quart d'heure, les deux, ils sont quand même un peu partis dans les rues de Chicago, en vadrouille, en voiture. Donc là, ce que je vous propose, c'est de parler aussi du match en général jusqu'à la fin, de la victoire de Dean Ambrose, on va dire officiellement en 56 minutes et 10 secondes. Un Iron Match. Wow. C'est vrai, pas loin, mine de rien, encore un peu, là, il atteignait la durée. Donc voilà, moi j'avais juste un petit commentaire, c'est quand même assez idéal de voir un Street Fight entre les deux quand même, parce que plus sapé pour un Street Fight que naturellement il n'y a pas déjà au départ, donc c'est déjà pas mal, et je sais que Robinito avait vu quelques moments précédemment que ces deux-là se connaissaient très bien du temps de la CW, ils ont fait des matchs extrêmes, donc ils savaient s'engager quand même. Ouais, tout à fait, après ouais, enfin je sais pas, le côté il se barre en bagnole et tout, c'était hyper cool, mais je me dis qu'aujourd'hui on est en 2015 avec les moyens, on va dire technologiques qu'il y a, ils auraient pu on va dire tourner des scènes genre avec des téléphones portables, genre ils se battent en Chicago, enfin avec des, on va dire des faux passants qui étaient là pour filmer pour la WWE. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc comme ça. Ça m'a un petit peu manqué du coup. Le fait qu'ils reviennent, en fait, si c'était juste barré et qu'ils reviennent pas, bon, ben, voilà, très bien. Mais le fait qu'ils reviennent, tu te dis merde, on a manqué quand même 40 minutes de match. Et le match a été hyper bon, quoi. Moi, pour moi, c'était vraiment, ça partait tellement bien que je me dis, il me manque un petit bout, quoi. Il me manque le dessert. Ouais, Renaud, t'as pensé quoi? Ouais, j'ai trouvé ça plutôt bon. Oui. Ambrose était en réalité avec Bray Wyatt. J'espérais déjà à ce moment-là qu'il affronte aussi plus tard. Luke Harper, parce que ça pouvait être intéressant. C'était les deux gars de la Wyatt Family, Luke Harper et Bray Wyatt, qui étaient les plus intéressants. Et j'espérais qu'il affronte un jour Luke Harper. Donc c'est fait, c'est bien. Après, je trouve que le combat se regarde tranquillement. J'ai quand même une légère déception. En fait, cette fin avec la voiture, je me suis dit, mince, s'ils partent comme ça, qu'il n'y a pas de suite, je pense qu'on va être quand même assez frustré. Parce que bon, on se dit c'est pas possible, Dean Ambrose, il n'arrivera jamais à gagner en pay-per-view. Encore une fin un peu à la con, quoi. Les deux mecs se barrent en voiture. Et d'un côté, je me suis dit ça va peut-être nous servir, comme tu disais, Robinito. Je pensais aussi que ça allait nous servir peut-être de fil rouge dans la soirée. À l'époque, je te coupe, à l'époque, ils avaient fait ça avec Sheamus et Del Rio, à Raw, où Sheamus s'était barré en volant la voiture de Del Rio. Et il filmait, genre, il faisait tomber. De la sauce sur les sièges, etc. Ouais, et film et tout. Et je trouvais que cette partie-là, ça aurait été intéressant de suivre un peu cette idée-là, quoi. Ben voilà, et moi ce que je me suis dit, je me suis carrément rappelé de WrestleMania 12, où t'as vu à ce moment-là Goldust et Roddy Piper qui s'étaient affrontés dans le ring, sur le ring, et puis après qui étaient partis dans une, à l'extérieur du ring, puis à l'extérieur de l'arena, puis il y avait une course-poursuite même en voiture où c'était filmé vu d'un hélicoptère et tout. Enfin, c'était vraiment un fil rouge entre les matchs, jusqu'au moment où ils sont retournés dans le ring, plus tard dans le pay-per-view. Et je me suis dit, peut-être qu'ils vont faire ça, ils vont nous faire une Goldust Roddy Piper numéro 2. Bon, ça n'a pas été le cas. Après, pour le retour au niveau retour du match, quand ils sont revenus, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'était assez court. Hein. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont balancé toutes les chaises dans le ring. Le ring était noir de chaises. Luke Harper, toujours très intéressant dans son sit-down powerbomb qui fait à la perfection. Sheamus en fera un aussi contre Dolph Ziggler. Il est quand même plus beau, celui de Luke Harper. Et ce qui me chiffonne un peu et ce qui me chagrine, c'est le finish de Dean Ambrose qui est porté à côté d'une chaise, quoi. Je veux dire, c'est bientôt c'est plus compliqué de le mettre à côté de la chaise, le finish, que de le mettre sur une chaise. C'est un peu botché, je pense. Je pense que c'est botché parce que je pense franchement que à la base ça devait être sur la chaise, je pense. Hein. C'est Extreme Rules quand même. Ouais, sinon il y a aucun intérêt. Ouais. Il y a aucun intérêt. Il y a 100 chaises sur le ring. Et voilà, c'est ça. À côté. Donc bon, ça, voilà, c'est le petit point qui m'a un peu gêné. Après, sinon, j'ai trouvé ça plutôt bon dans son ensemble, mais je pense qu'ils peuvent encore aller plus haut les deux dans un contre un. Ouais, c'est vrai que je rejoins quand même votre avis globalement parce que j'étais assez emballé par surtout les 5 premières minutes du match. Ensuite, il y avait quand même quelques mouvements un petit peu moins Street Fight. C'était beaucoup plus classique. C'est vrai que j'attendais un peu plus, mais bon, c'était quand même pas mal, je dirais, ouais. Après, ils ont pas voulu trop péter de matériel, évidemment, en tout début de show. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils sont allés ailleurs et puis qu'ils sont revenus après. Donc, ils ont surtout fait le ménage un petit peu en coulisses à un moment donné, mais sinon... Sinon c'est bon, ouais. Pour le reste c'est un bon début, je dirais aussi, ouais. Enfin, je veux dire qu'on les voit pas en voiture, c'est un peu con quand même, c'est le truc un peu con parce que bon, c'est pas ce qu'ils ont fait au final. Et au final, soi-disant, ils sont restés dans la voiture jusqu'à quel match déjà? Ils sont venus après quel match? Je crois qu'ils sont venus après le match tag team. Le match tag team, ouais. Ouais, voilà, c'est ouais. Ça. Je veux dire, ça fait quand même le Ziggler Sheamus, le match tag team, ils sont restés dans la voiture, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis au McDrive, ils ont fait quoi? Enfin, je veux dire, c'est mal fait à ce niveau-là, quoi. Ils peuvent pas s'emboucaner dans une voiture sur la route, qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas, la voiture elle revient, elle est nette, elle est clean. Sur ce coup-là, c'était un peu... C'est une belle bagnole, ça coûte cher. Il y a plus le budget des années 90-2000. Ouais. La preuve dans les décors pay-per-view qui sont toujours les mêmes. Par WrestleMania, bien sûr. Mais... Ah oui, sinon on voit quand même que c'est la faute à Brock Lesnar tout ça. Ah ouais. Ça coûte trop cher. C'est sûr. Et puis après on voit quand même qu'une voiture on peut facilement la piquer, la démarrer tout ça. Et donc c'est assez sympa ça. Ouais. Bon, mais je pense qu'on peut passer au match suivant avec. À noter quand même, excuse-moi, Broustic, c'était la première victoire en solo de Ambrose en pay-per-view. Quoi. Ah oui, bien sûr. Oui, depuis qu'il a quitté, il en a parlé vite fait Renaud, mais on du coup dire on a enfin, pas oui. Mais enfin quoi, putain, merde, un an pour avoir une victoire en solo, c'est trop long pour un mec qui est autant over avec la foule, c'est trop long. Que quand on voit que à côté de lui il y a Roman Reigns et Seth Rollins qui ont déjà eu beaucoup de succès, ouais. Ça aurait été dommage. Et sa dernière victoire à un contre un, hein, datée de la nuit des champions quand il avait battu Dolph Ziggler pour le titre US. Et sa dernière victoire tout court, ça date de Payback et de l'année dernière quand ils avaient battu l'Evolution tous ensemble avec le Shield dans un match à élimination. Donc c'est vrai que c'était vraiment trop trop long, quoi. Ouais, surtout que si tu fais un classement, on va dire des gens les plus soutenus par la foule ou en tout cas qui ont le plus de réactions, il est dans le top 5, tu vois. Donc pour un mec du top 5, on va dire, du top 5 de la WWE, ne pas avoir de victoire pendant un an en pay-per-view, non, franchement, c'est du mauvais booking. C'est dommage, hein. Après, il paraît qu'il va y avoir un push de folie, là, d'ici SummerSlam sur Survivor Series. Moi, j'attends de voir, mais bon, c'est dommage, quoi. Moi, je trouve que c'est un peu gâché, là. Il a perdu un an pour moi. On verra. Bon, après, le catch, c'est toujours assez ambivalent. Enfin, ça va, ça vient. Donc, moi, je le vois prochainement avoir un push avec quelque chose dont on parlera à la fin. À la fin du podcast. Mais d'ici là, bon, on peut passer maintenant au Kiss Me Arse match entre Dolph Ziggler et Sheamus. Donc Sheamus revenu, on le sait maintenant, au lendemain de WrestleMania avec ce nouveau personnage très très punk. Et donc très viking plutôt. Ouais, plus ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai dit ça. Donc il est héros quoi, mais avec la barbe. C'est vrai que je vois les vikings de la série, c'est vrai qu'ils ont un peu le même look, autant pour moi, oui. Mais ils sont pas roux. Mais sinon, c'est Dolph Ziggler donc qui s'est imposé après 9 minutes 16. Donc de ce fait, Sheamus devait lui baiser le cul, disons le tout net. Sauf qu'après moult hésitations, bah Sheamus ne l'a pas fait. Et non seulement il l'a pas fait, mais il a fait le contraire, c'est-à-dire qu'il a quand même mis un low blow à Dolph Ziggler, puis le broad kick, et ensuite il a frotté sa tête contre ses fesses. Donc c'est malheureusement assez génial pour Ziggler pour le coup, le gagnant perdant quoi. T'as pensé quoi, Renaud? J'ai trouvé que c'était un bon combat, encore une fois. Où là aussi tu sens que c'est pas qu'ils vont pas jusqu'au bout de la chose quoi, parce qu'il y a vraiment le potentiel de faire un énorme combat entre ces deux athlètes. Moi je suis sûr qu'en leur laissant du temps et avec une grosse feud, les Ziggler Sheamus pourraient être dans les top 10 en fin d'année au niveau pay-per-view, ça c'est une certitude. Ils s'étaient déjà croisés en 1-1 en pay-per-view, c'était en 2012 à No Way Out. Mais là aussi, sans histoire, il n'y avait pas vraiment de feud, parce qu'en fait, Ziggler avait remplacé Del Rio, parce que Del Rio était challenger numéro 1 à l'époque du titre champion du monde poids lourd, détenu par Sheamus, et il avait subi une commotion cérébrale juste avant le show, quelques semaines avant le pay-per-view. Donc c'était Ziggler qui l'avait remplacé dans le dernier Raw avant le pay-per-view, et il s'était affronté à No Way Out 2012, et ça avait été déjà le match de la soirée à ce moment-là, même si c'est vrai que No Way Out 2012 était un pay-per-view hyper faible. Mais là j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça plutôt bon. Après l'angle du Kiss My Ass, c'est hyper soft. On s'attendait en Pidgera, on savait qu'on pouvait pas aller avoir ce qu'on avait à l'époque Attitude, donc c'est à peine une fesse dévoilée. Pas que je veux voir le cul blanc de Sheamus, hein, c'est pas ça, mais ni le cul de Ziggler tout simplement, mais c'est limite du moquage quoi. Je trouve que on aurait pu faire un 1-1 ou alors trouver une autre stipulation, mais là ça c'est, on savait que de toute façon ça allait pas donner quelque chose derrière, c'était pratiquement sûr. Pour voir un vrai Kiss My Ass match, il faut peut-être se tourner vers SummerSlam 99 et voir le match entre The Rock et Billy Gunn. Ça c'était un vrai Kiss My Ass match, là c'est pas vraiment le cas quoi. Et pour moi, ça exprime aussi un petit peu la difficulté qu'on a eue sur l'organisation de ce pay-per-view, c'est de trouver vraiment des matchs extrêmes de nos jours. On voit après que c'était quand même un peu la galère, et même carrément la galère. Donc, t'as pensé quoi au Benito d'ailleurs du match? Moi, le match en lui-même, dans l'absolu, c'était pas mal. Je me disais justement, le pay-per-view commence bien entre le début avec Ambrose et Harper, et ce match-là, ça commençait bien. Après, ouais, comme dit Renaud, il n'y a rien d'exceptionnel non plus dans ce match. Je pense que dans 6 mois, je m'en rappellerai plus vraiment de ce match. Donc ça, c'est un peu dommage. Et par contre, je suis hyper surpris de la victoire de Ziggler, quoi. Je m'attendais vraiment à ce que Sheamus se serve, on va dire, de Ziggler pour continuer à monter dans la carte, quoi. Et là, ouais, je suis hyper surpris, même si c'est une victoire un peu, on va dire, par roll-up. Enfin, en tout cas, par surprise, je trouve que c'est hyper surprenant d'avoir une victoire de Ziggler enfin, aussi rapidement après le retour de Sheamus, qui est un retour en grande pompe quand même, avec plusieurs vignettes, un heel turn sur Ziggler et Bryan, qui est quand même pas rien. Et moi, je trouve que c'est un peu surprenant qu'ils perdent là, quoi. Voilà, ouais, après, je te rejoins totalement. Voilà, après le match en lui-même, il y a pas grand-chose à en dire, il y a pas de faiblesse, mais il y a pas de qualité exceptionnelle qui font qu'on s'en rappellera, quoi. Moi, pour moi, ça m'étonne pas quand même que Ziggler ait gagné finalement, parce que même si Sheamus, je suis d'accord, il doit être mi-fort, mais avec cette stipu, Je vois pas la difficulté, malheureusement. Si Ziggler avait perdu, ça lui aurait fait encore plus mal, je dirais, parce que là, il aurait vraiment baisé le cul direct, je pense. Alors que là, forcément, il y avait un petit peu le jeu à la fin qui fait vraiment penser, voilà, Sheamus, lui, il est au-dessus des règles, il est toujours assez fort, je trouve, quand même. Puis c'est vrai que la manière dont il perd, finalement, c'est quand même assez faible, je dirais. Donc, du coup, ça lui fait pas une déconvenue, donc... Pour moi, ça me va en tout cas un petit peu. Oui, c'est vrai que pour la stipu, tu pouvais t'attendre à ce que Sheamus perde par rapport à la stipulation, mais justement, cette stipulation était bidon. Allez, on passe. Mais il s'en sort bien. Il s'en sort bien tout de même. Hein, ouais, bien sûr. Après, moi, franchement, depuis qu'il est revenu, j'adore hein, Sheamus. Je trouve que ce qu'il a fait contre Zack Ryder à Raw, là, avec son match totalement au micro, voilà, moi, ça m'a bien plu. C'était un peu nouveau. C'était un peu voilà, c'était un peu, ça sortait de l'ordinaire et j'aime bien l'attitude qu'il a là. Il est peut-être un peu trop stiff de si on entend les autres superstars qui se plaignent un petit peu, mais moi c'est ce que j'aime bien chez Sheamus, c'est qu'il soit stiff justement. Ah mais c'est comme ça qu'on l'aime, mais c'est vrai que quand on le retrouve comme ça, son personnage heel, c'est vrai que c'est pas mal du tout parce qu'en face, on l'a souvent vu brider, donc vraiment là il est dans son élément, et il peut faire exprimer vraiment son style. Qui se marie à beaucoup de catcheurs d'ailleurs, donc un peu à la Barrette quoi, grosso modo je trouve. Et ouais, bon ben comme tu le disais, mais c'est moi l'animateur, on passe à la suite maintenant avec donc. Un jour je l'aurai un jour. Ouais mais pas demain. Et donc le match pour le titre par équipe la WWE avec les champions Cesaro et Tyson Kidd, en tout cas au début du match, qui affrontaient New Day Sucks de Big E et Kofi Kingston accompagné par Xavier Woods. C'est un peu toujours comme ça, Xavier Woods se fait toujours accompagner au bord du ring. Et bah, la grosse surprise quand même je pense, c'est la victoire de New Day après 9 minutes 47. Mine de rien, un titre assez inattendu je trouve, le premier titre par équipe de Big E à la WWE notamment. Déjà le quatrième pour Kofi. Et Woods, mine de rien, qui s'infiltre sans lutter aussi comme champion. C'est assez particulier. D'ailleurs, est-ce qu'il y a comme ça des souvenirs directs? Évidemment, on se rappelle de certains Quintet qui étaient champions, peut-être, mais des tiercés, est-ce qu'il y en a déjà eu comme ça? Je ne vois pas les historiens. Les Demolition. Ouais, mais ce qui s'est passé aussi, c'est que même plus, on peut rappeler aussi le Spirit Squad qui se partageait les titres ouais, par équipe. Voilà, je pensais à eux beaucoup. Quand je parlais de Quintet, bah ouais, notamment. Ah, d'accord, ok. Demolition aussi, hein, souvent ils avaient la ceinture, mais c'était pas toujours les deux mêmes qui catchaient à l'époque. Hein. Ouais, quand la période où il y avait eu Crush qui les avait rejoints. Quand, je parle, oui, quand il y a eu Crush, bien sûr. Ouais, voilà. Ouais. Demolition 2.0. Ouais, exact. Réaction Twitter, peut-être. Ah, en fait, ouais, y a Adèle sur Twitter qui nous dit « Un Extreme Rules de folie, c'est parti dans tous les sens. Merci à la WWE pour ce début de pay-per-view. » Voilà, tout simplement. Bon. Ouais, c'est vrai que ça va dans l'élan de ce que tu disais d'ailleurs. C'est un spectateur conquis. Mais d'ailleurs, toi, est-ce que le match t'a plu quand même? Ah oui, ouais, si, c'est un bon tag team quand même. Après, c'est vrai que sur les quatre, moi, il y en a trois que j'aime bien. Ah oui, d'accord, c'est qui l'intrus? Je suis pas un grand fan de Big E. Ah, c'est vrai, mais bon, ça, je veux dire. Après, non, mais après, il fait son taf et tout, il y a pas de souci. Mais voilà, je trouve que dans ce match-là, il fait un peu de tâche techniquement. Après, il apporte sa puissance, il apporte, voilà, il apporte des choses. Qui sont différentes, mais qui, moi, me touchent pas personnellement. Après, c'est vrai que Cesaro, Kid, bah, techniquement, c'est très au-dessus. Après, Cesaro, il a aussi le côté powerhouse. Et c'est vrai que Kofi, dans ce genre de match, il est toujours bon. Et ça me fait kiffer de voir un Kofi un tout petit peu heal. J'aimerais bien qu'il soit beaucoup plus. Mais franchement, ça me fait kiffer qu'il soit heal. Ça fait longtemps que je rêvais qu'il soit heal et ça me plaît bien. C'est vrai que c'était un événement, et puis c'est vrai qu'avec son agilité toujours dans les grands matchs comme ça, c'est vrai que c'est pas mal. Un autre fait quand même assez rare, c'est pour Tyson Kidd, dont le charisme est toujours assez vide, malheureusement. C'est ça qui l'a toujours stoppé dans sa carrière, mais qu'il a quand même bénéficié d'un certain soutien. Je me rappelle pas avoir déjà entendu, mais même, je me rappelle pas avoir entendu quand même de gros soutien, là, les 14 000 fans qui disent Tyson, Tyson, Tyson. Non, c'est clair. C'est quand même pas mal pour lui. Je crois que c'était la première fois pour lui. Voilà, c'est pour ça. Ouais. Pour moi, peut-être à WrestleMania, quand il était revenu et des Bret Hart, peut-être, et encore. Limite, ouais. Ouais après, ça. Tu disais que Kofi, c'était son quatrième titre. Et est-ce que c'est son quatrième avec quatre partenaires différents? Il me semble, non? Ah oui, bien sûr. Il a gagné CM avec CM Punk, Evan Bourne et puis Artruth. Donc là, c'est Biggie. Et Biggie, donc quatre fois avec quatre partenaires différents. Exactement. Ça va être un peu rare aussi, ça. Même si CM Punk c'était l'autre ceinture hein, de champion par équipe. Oui voilà, on compte voilà. Ouais ouais. Ça, et d'ailleurs t'as pensé quoi du match, t'as aimé? Ouais ouais, j'ai trouvé que c'était un très bon match, bien rythmé. C'est 4 catcheurs intéressants. C'est vrai que moi je suis un peu plus fan de Biggie que Kurt Benito, même si je comprends tout à fait son point de vue parce que il est juste. C'est sûr que Biggie c'est logique. C'est logique qu'il soit en dessous de Kofi, de Cesaro et de Tyson Kidd au niveau technique. C'est clairement logique. C'est pas du tout le même profil, faut dire aussi. C'est ouais voilà. Je trouvais qu'en fait c'est pas que je l'aime pas dans l'absolu, c'est que je trouvais que dans ce match-là ça faisait un petit peu tache. Finalement, c'était pas gênant. Mais par rapport aux trois autres, du coup, on voit plus ses lacunes que dans un match en 1 contre 1, par exemple. Bah, disons que Woods, pour moi, il a plus les caractéristiques, mais vu ce qu'on a vu de lui jusque-là de WWE, c'est logique qu'il n'ait pas été dans le match. Le problème, c'est qu'il n'est pas crédible, voilà. Woods, dans le match. Ouais, non, pour l'instant, il est pas crédible. C'est ça que c'était logique qu'il y ait Biggie. Et quand même, Biggie, il a sorti un bon spear à un moment donné. Il s'est un peu détruit d'ailleurs sur le coup, mais. Ah, Biggie, il a des épaules, c'est sûr. Oui. Donc, ancien champion intercontinental, hein, Biggie, au passage aussi. Ah oui, c'est vrai qu'on l'oublie un petit peu, mais oui, il a été à un moment donné, ouais. C'est donc, sûr. Ça lui fait un titre en plus dans sa carrière. Et donc, personne pour dire que c'était le meilleur match de la soirée. Bah, moi, j'ai trouvé, en fait, on reviendra après quand on mettra les notes, mais j'ai trouvé, en fait, tous les matchs plutôt bons. On reviendra sur les autres, mais je trouve qu'il n'y a pas un truc exceptionnel, quoi. Je veux dire, il m'a pas non plus fait, après, ça faisait longtemps. C'est quoi ce match, quoi? C'est un bon match. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un tag team aussi bon en pay-per-view, quand même. Ça peut oui. Faire. Voilà. Surtout pour les ceintures. Après, il y a eu des Usos, Wyatt qui étaient très très bons. Mais là, il y avait la foule qui embarquait bien, donc ça aidait bien quand même là, je voudrais mettre un petit tacle à AB1 qui baisse trop le son de la foule en France. Je trouve que c'est dommage. Moi, j'avais mon enregistrement qui a buggé. Donc, ce match-là, je l'ai vu en VO. Et tous les autres, je les ai vus en français. Et je trouve que c'est dommage de baisser autant le son pour qu'on puisse entendre Ajuste et Chéro, ce que je comprends. Mais là, du coup, on n'entend rien et on n'a pas trop les réactions de la foule, les chants et tout. C'est un peu dommage. En effet, surtout quand c'est une foule comme ça. Encore, peut-être. Ça vaut pas notre Philly, foule. Hein, mais c'est Chicago, c'est pas mal, quoi. Oh non, mais ça va, parce que Chicago, Philadelphie, New York, je dirais que ça se tient, ce tiercé. Après, il y a des occasions particulières qui peuvent faire s'enflammer d'autres foules, évidemment, mais là, c'est vrai que sur tout le show... par exemple. Et sur tout le show, là, quand même, la foule était quand même assez à fond comme le Louis II, effectivement. Donc, je pense qu'on peut passer au match suivant, d'ailleurs, en parlant de russe. Avec le match pour le titre des États-Unis, parce que vu qu'on a passé le petit passage bien sûr Ambrose Harper tout à l'heure, le match pour le titre des États-Unis, le Russian Chain Match, tout premier de l'histoire, on va dire avec une chaîne en tout cas, même si c'est le principe du télévisé, Star Match. Ouais. Voilà. Oui, voilà. Ouais, je te laisse. Oui, parce que c'est vrai, ouais, c'est bien la précision autant pour moi, parce que voilà, c'est donc John Cena côté vert, donc qui a battu Rousseff évidemment côté rouge, qui a entre temps dans le match viré Lana d'ailleurs. Donc ça s'est fait en 13 minutes 35 avec une polémique de fin dont je pense on va peut-être un peu parler dans la façon dont ça s'est fini. Mais avant peut-être Renaud, tu voulais parler du Russian Chain donc. Ouais, c'est ça exactement, parce qu'il y avait déjà eu Sammartino à l'époque contre Ivan Koloff qui avait pas été diffusé et qui avait été c'était cette stipulation là. Moi pendant un bon moment, je me suis demandé en fait qu'est-ce que ça allait être cette stipulation. J'avais bien compris que c'était un match de chaîne, mais je me suis dit est-ce que ça va être un match de chaîne avec le poteau dans le coin et la chaîne qui est accrochée au poteau comme le match entre Undertaker et Brock Lesnar à No Mercy 2003 où il fallait aller décrocher la chaîne pour pouvoir l'utiliser sur ton adversaire, ou est-ce que ça allait être un match de chaîne où les deux catcheurs sont accrochés. Comme un strap match, quoi. Oui, mais justement, là, c'est la grosse erreur de la WWE, parce que un match de chaîne, je m'attendais bien à ce qu'ils soient quand même accrochés l'un à l'autre, ça, oui, d'accord, ok. Mais ils ont fait un mélange match de chaîne, strap match. Qu'est-ce que vient faire les quatre coins du ring? Les quatre coins du ring pour à taper les quatre coins pour gagner le match, c'est un strap match. C'est les matchs qu'on a eu récemment entre Sheamus et Mark Henry, entre GTG et Chad, entre Punk et Umaga, entre Austin et Savio Vega en 96, 97, ouais 96. Enfin voilà, c'est des trucs. C'est des strap match. Ok. Les chaînes match, les deux gars sont accrochés et ils se mettent des coups de chaîne et ils font un tombé à la fin. Je veux dire. Le plus gros chain match pour moi de l'histoire, le plus marquant en tout cas, c'était sans doute à la NWA en 83, où t'avais Roddy Piper qui avait affronté Greg Valentine à Starcade dans un match incroyable pour l'époque, où Roddy Piper a carrément perdu, s'est fait péter un tympan, il n'entend plus aujourd'hui encore d'une oreille, et avait eu des vertiges comme pas possible. Il pouvait plus catcher derrière ces deux-là, d'ailleurs, qui est venu le Piper Spit, faut le savoir, parce que Roddy Piper pouvait plus catcher à cause de ce match. Donc, ils ont inventé le Piper Spit quand il avait signé à la WWE juste après. Et je m'attendais à ça, quoi. Enfin, je m'attendais vraiment à un match de chaîne, pas hardcore comme celui-là de l'époque, parce que je sais bien que maintenant on peut plus, mais je m'attendais à un match de chaîne, un vrai match de chaîne. En tout cas, peut-être un comme aussi Kane et Triple H à Judgment Day 2001, qui est pour moi la référence en tant que match de chaîne moderne. Kane Triple H en 2001, le match à Judgment Day, vous pouvez le voir encore aujourd'hui, il n'y a pas de souci. C'est pour moi ce qu'ils ont fait de mieux en 1 contre 1 tous les deux d'ailleurs. Bref, pour revenir sur le John Cena Rousseff, j'ai trouvé ça assez limite, hein. Franchement, c'est une stipu qui fait en sorte, à cause du fait qu'ils soient tous les deux attachés, malheureusement, ça pénalise les catcheurs, ça les limite. Alors déjà qu'ils n'ont pas non plus 50 000 prises, notamment John Cena, je trouve que Rousseff, à la limite, s'en sortait quand même pas mal sur des kicks. Mais bon, c'est pas, il y a rien de vraiment marquant. Et ce qui m'a assez gêné, Rou Benito, je laisserai parler pour les quatre coins, mais moi, ce qui m'a assez gêné aussi, c'est le fait de Lana qui monte d'un coup sur le ring, sur le côté du ring, et qui fait coucou à la foule, quoi. C'est vraiment le truc. Et en fait, ça fait un petit peu mise de haut, quoi. Ouais, tu vois, voilà, faut vraiment, à ce moment-là, il faut qu'elle monte pour faire le truc, pour qu'il y ait la réaction. C'est parce qu'il y a eu une, ils en ont profité à ce moment-là, c'est parce qu'il y a eu une grosse ovation de la foule pour Lana. Ouais, les We Want Lana, du coup, voilà, ouais. Bon, j'ai peut-être moins entendu en VF, alors. Ouais. Mais, voilà, moi, tu m'as un peu passé le témoin, moi, ce qui m'a gonflé, mais vraiment, c'est cette fin, quoi. Mais qu'est-ce que c'est? Alors attends, tout le match, t'as les mecs qui tapent les trois coins, et à partir du moment où les deux catcheurs, ils ont une collision, peu importe, qui se poussent, qui se mettent un atemi, une droite ou un coup de pied, l'arbitre éteint les quatre coins. Et là, il y a les trois coins allumés, John Cena, il fait un attitude adjustment, et il a le temps d'aller, il peut aller taper le quatrième, les trois autres sont pas annulés. Mais c'est quoi ce bordel? Moi, j'aime la cohérence dans un match. Il y a pas de cohérence. On est d'accord. C'est n'importe quoi. Ah oui, non, ça c'est sûr. Pour le coup, rules. C'est no rules, c'est pour le coup, parce que là. Non, mais voilà, moi, ça m'a gêné. Je me suis dit, non, mais merde, attends, tu peux pas te tromper à ce point-là quand t'es un booker ou un producteur de la WWE. C'est pas possible, quoi. Et puis même les catcheurs en eux-mêmes. Ou alors l'arbitre, il fallait que tout le match, il l'annule pas, le fait que ben, quand on se frappait ça annulait le fait qu'on ait tapé les coins, ou alors il fallait à la fin il fallait annuler et Cena aurait eu le temps d'aller taper les quatre coins à ce moment-là, quoi. Mais c'était n'importe quoi, enfin cette fin elle est vraiment n'importe quoi. Enfin, moi j'avais été quand même assez surpris agréablement des deux premiers Cena Rousseff, et plus généralement de Cena ces derniers temps dans le ring. Je trouvais qu'il s'éclate, j'ai l'impression qu'il s'éclate, quoi. J'ai l'impression qu'il a 14 ans et qu'il s'éclate, quoi. Ouais, c'est vrai que aussi les open challenge, c'est une idée très intéressante. J'ai l'impression qu'il est hyper content de faire ça, que ça lui plaît, qu'il est ravi et que ça lui donne une deuxième jeunesse. Et apparemment, vu, il est content aussi parce que au moins il est en début de show et à 21h heure américaine, il peut se barrer chez lui. Apparemment, c'est ce que j'ai entendu aussi. Donc il voulait aller au ciné après, ouais. non, mais il paraît que c'est aussi pour ça qu'ils le font. Parce que comme souvent il participe à SmackDown, au moins à 21h, il a fini sa semaine. Bon, après, il le mérite, hein, ça fait 12 ans qu'il est là toutes les semaines, pas de souci. Enfin, pour en revenir au match, non, j'ai un problème avec ce match. Comme dit Renaud, le fait qu'ils soient enchaînés, ça limite vachement les mouvements qu'ils puissent faire. Ils peuvent quasiment pas sortir du ring. Donc, quand c'est un match à Extreme Rules, on s'attend quand même à ce qu'il puisse y avoir des choses qui se passent à l'extérieur, avec des objets externes. Moi, ça m'a vraiment fait chier cette fin, surtout. Après, du coup, on va avoir un quatrième match, mais ça m'a un petit peu fait chier quand même. Effectivement, parce qu'après, on va voir que Rousseff va envoyer Lana voir l'autorité, et puis ensuite, voilà. Et puis ensuite, ben, elle va ramener un contrat pour un I Quit match à Payback. Donc voilà. C'est ça. Ouais. Dernier match entre. Ryback. Mais là, en l'occurrence, on s'en fout. Mais quand même, voilà, bon, ben, c'est le match de toute façon que Cena ne peut pas perdre, donc c'est sûr que là, ils ont raison de dire chapitre final, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de rematch. Et vous pensez qu'il y aura deux Open Challenge d'ici là? Bon, c'est dans 3 semaines, mais... Oui, je pense, ce soir, je pense. Ouais, je pense qu'il peut rester. Après, les Open Challenge, c'est très bien, sauf quand t'as un number one contender attitré comme Cena, quoi. Ça veut dire que tu sais que Cena perdra pas son titre. Donc les Open Challenge, ils perdent 98% de leur intérêt, mais ouais, complètement. Mais voilà, c'est la seule chose qui est gênante. Après les matchs en eux-mêmes, ils ont tous été bons pour l'instant. À part peut-être celui contre Kane, mais les autres ont tous été bons. C'est vrai que Kane dominait beaucoup, on le sait, c'est assez mou maintenant, mais ouais, moi je me rappelle surtout le match contre Ambrose et Barrett. Ces deux matchs-là, pour moi, ils étaient vraiment très bons, donc notamment. À noter que sur le live, donc Pierre Mansens pour ma critique de la cohérence de la WWE, et on a Sébastien aussi qui dit que il aurait bien aimé avoir une caméra dans le bureau de l'autorité pour voir les arguments de Lana. Oui, c'est oui. Je me disais aussi, ça pouvait que sortir de lui, ça. Bon, d'ailleurs. On ne peut pas savoir ce qui est sorti de Triple H, par contre. Non, voilà. C'est le Sledgehammer. Ça m'a su, quoi. D'ailleurs, on l'a vu au début du show, bien sûr, pour faire une mise au point et puis demander aussi à Kane d'aller localiser les deux foules, Ambrose et Harper. Ouais. Mais donc sinon, à passer à toute autre chose du coup là, parce que c'est beaucoup moins brutal quoique, avec le match pour le titre des Divas, avec... Les chaussures de Naomi, elles étaient brutales, hein. Franchement ça faisait mal aux yeux. Et oui, voilà, Nikki Bella donc, qui défendait son titre contre Naomi, effectivement, tout repackagé, nouvelle musique et puis surtout nouveau look. Donc, et mon neveu, il a les mêmes chaussures à la maternelle, quoi. Les LA Gear qui clignotent quand il saute, franchement, nickel. Ah non, c'est classe, y a pas à dire. Hein. Et malgré ça, Nikki n'a pas été tout à fait aveuglée vu qu'elle s'est imposée après 7 minutes 18. Par contre, il y a quand même un truc assez marrant. C'est que là, Nikki, d'un coup, elle se retrouvait propulsée, entre guillemets, en face. Alors que, mine de rien, elle gagne un petit peu comme d'habitude finalement. Vu que c'est Brie qui a mis un kick à Naomi qui a ensuite pris le rack attack. Donc, du coup, finalement, c'est un peu comme d'hab. Donc, bon, Renaud, est-ce que je te fais plaisir en te faisant passer en premier? Non, je vais faire passer au Benito, bien sûr. Oui, ah, voilà, super, merci. Non, en fait, c'était hyper bizarre. On avait une heel contre heel avec donc les Bella qui étaient soutenues quand même plus que Naomi par la foule. Ah oui, c'est ça qui est surprenant. Elles sont limite face. Mais elles gagnent quand même de façon heel, quoi. Donc c'est un peu curieux ce match. Après le match en lui-même pour des divas, moi je trouve quand même. Je critique souvent les matchs de femmes parce que je suis rarement emballé, mais je trouve quand même que si on peut louer quelque chose, c'est que depuis qu'elle est championne, Nikki a quand même bien évolué dans le ring. Elle est passée de 0,5 à 4 sur 10, donc c'est déjà pas mal. C'est une petite critique gentille, mais voilà. Enfin, c'est vrai que Nikki a quand même bien évolué depuis qu'elle est championne, que ce soit dans l'attitude et on a l'impression qu'en fait c'est une on dirait une big man pour les garçons, donc une big girl pour les filles. Et donc du coup, t'as l'impression qu'elle est quand même beaucoup plus puissante que tous les autres divas, et c'est un truc qui s'est créé récemment, et voilà, ça lui va bien. Ouais, moi aussi, je suis assez d'accord avec toi quand même, parce qu'au début, c'est vrai que le truc, évidemment, forcément, elle était avec son truc de jumelles, et tant elle que Brie, elles étaient à un tout petit niveau. Et puis d'un coup, les deux, d'ailleurs, elles ont beaucoup progressé, et puis surtout Nikki, depuis qu'elle est championne, forcément, elle a atteint un autre niveau, et puis c'est vrai que là, moi, je la voyais pas du tout perdre, honnêtement, parce qu'elle est devenue tellement dominante, on se demande encore, qui peut la battre encore dans le roster présent, en tout cas. Donc, ça, je me demandais. Même une Naomi qui aurait pu mériter, mais qui est quand même arrivé un petit peu d'un coup, parce qu'ils l'ont quand même mise en challenges, mais avec un bon heel turn qui aurait pu ne pas s'imposer, mais dans le cadre d'une frustration, forcément, ça devait. Mais c'est vrai que c'est très très rare, deux diva heel qui s'affrontent comme ça, là, pour être titré diva, c'est rare ici. C'était aussi la deuxième fois de la soirée, du coup, qu'il y avait un face turn juste pour une nuit, parce que Kid et Cesaro aussi sont heel d'habitude, et là, ils étaient face pour la soirée, quoi. Eh oui, c'est le. C'est vrai qu'on se demande même limite s'il faut prendre ça en compte, en tout cas pour les divas. Pour les divas, c'est sûr que non. Ça n'existe pas. J'ai lu récemment une interview d'un producteur qui s'occupait essentiellement des divas et il expliquait que les histoires, en fait, elles tenaient pas, quoi. Il y a aucune histoire qui tient. Par exemple, quand on voit que Brie qui perd à cause de sa sœur à SummerSlam, qui est un des plus gros matchs de sa carrière. Donc elle devient la entre guillemets la bitch de sa sœur, ça dure 2 semaines et puis elles redeviennent copines comme coach. Bon, ok, elles sont jumelles, elles ont des liens forts, mais en histoire ça donne moyen, quoi. Enfin voilà, On passe à autre chose, Brosti. Mais oui, non, mais je vous laisse. C'est incroyable, celui-là. C'est le takeover, littéralement. Ah, mais j'ai piscine après, moi. Ah, d'accord. Bon, ben alors, tu nages tard. Mais bon, on peut passer au Last Man Standing match, effectivement. Et je sens que c'est Renaud qui restera debout, là, cette fois-ci, parce que... une fin assez discutable d'ailleurs. Roman Reigns, encore je dirais. Roman Reigns qui s'est imposé face au Big Show en 19 minutes 46 au bout d'un match. Franchement, bon, au départ, c'est vrai, toutes les craintes, honnêtement. Pas trouvé si mauvais que ça, honnêtement. Après, faut, bon, après ça rend pas l'exceptionnel, mais il y a eu le bon engagement, je trouve. Sauf que la fin, elle est quand même bizarre. Hein. Encore une histoire de règles. L'arbitre, il doit quand même un petit peu stopper son compte à un moment donné, vu que il y a quand même... une petite histoire tout à la fin, on ne doit pas continuer le compte de 10 normalement, mais c'est ce qu'il a fait, ça c'est fini. Voilà. Et puis la table espagnole, bien sûr, elle a claqué. Donc, Renaud, cette fois-ci, là, je peux te lancer, c'est bon. Oui, là, tu peux me lancer. J'avais des grosses craintes, comme tout le monde, hein, comme beaucoup de monde, parce que l'affrontement entre les deux, déjà, ne m'intéressait pas du tout, mais vraiment pas. Et la stipu en plus, c'est une stipu que j'affectionne pas tellement parce que c'est le genre de stipu qui casse un peu le rythme parce que l'arbitre est obligé de compter à chaque fois qu'un catcheur est au sol, donc ça prend un peu de temps. Là, j'ai trouvé que c'était bien fait à ce niveau-là. J'ai pas vraiment senti le faux rythme. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Et j'ai trouvé finalement le match vraiment pas mal. Merde. Au-dessus de mes attentes en tout cas. Après, dans le Last Man Standing, c'est clair. Bah, que ça c'est sûr que si tu dis que tu attends rien, ça peut être que au-dessus de tes attentes. Ouais, voilà, sincèrement, c'était quand même au-dessus de mes attentes. Après, je trouve que le selling du Big Show était pourrave comme pas possible. Et je suis pas du genre à le descendre à chaque fois, ce gars. Hein, parce que j'ai beaucoup de respect pour Big Show et sa carrière. Et il a fait des bons matchs pour un géant. C'est franchement le meilleur géant que j'ai vu, de toute façon, dans un ring. Clairement. Et là, le selling, c'est pas possible, quoi. Il prend des gros bumps, il prend des gros coups. Il est KO. Puis, juste après, une fois qu'il est de nouveau à la domination, il a vraiment, à aucun moment, il a mal par rapport à ce qu'il a subi juste avant. Il y a des choses comme ça où même quand il attendait sur la table des commentateurs, il attendait qu'une chose, c'est que Roman Reigns vient lui faire le spear. Tu sens Big Show qu'attendre. Enfin, il y a quelques trucs comme ça qui, sincèrement, voilà, ça, à ce niveau-là, ça m'a un peu gêné. Après, par contre, j'ai adoré son chokeslam à travers les deux tables, qui était hyper bien fait et très beau à voir. La fin, je trouve, ça fait un peu Del Rio Beast. Je sais pas si vous en souvenez de la feud Del Rio Big Show où Del Rio avait recouvert le Big Show. Je m'en souviens, c'était à SmackDown. Exactement, ouais, à SmackDown. En fait. Del Rio avait déjà recouvert le Big Show une première fois à la fin d'un match, mais c'était pas un match en 1 contre 1, c'était juste qu'il avait projeté Del Rio derrière la table et puis il avait remis la table sur lui. Et Del Rio s'était vengé comme ça dans un Last Man Standing ou à SmackDown où il avait mis Big Show sous la table. Là, ils nous le refont, quoi. C'est pas comme si ça faisait 10 ans de ça, c'était peut-être en 2012, je crois. Bon, ils nous refont le même coup. Après, ouais, c'est quoi le truc qui va pas? C'est que Roman Reigns était sur la table, c'est ça? Ouais, c'est ça, hein, quand même. Donc l'arbitre a pas à compter, c'est ça? Normalement, il doit s'arrêter là. Ouais. Il y a eu plusieurs fois aussi où il cède pour se relever et tout. Enfin voilà, normalement, tu dois arrêter de compter à partir du moment où le mec il a les deux pieds par terre ou à partir du moment où les deux se touchent, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, il y a quelques trucs comme ça, c'est vrai, qui sont pas. Ah non, mais c'est pas un grand Last Man Standing, hein, ça s'oublie. C'est juste que voilà, comme tu dis, j'avais tellement pas envie de le voir et par rapport aux attentes, je trouvais finalement pas. Voilà, voilà. Ouais, moi j'ai pas, la fin me gêne vraiment de par les deux choses que t'as dit, Renaud, la cohérence des règles, puisqu'on en est là, et le fait que j'avais l'impression d'avoir déjà vu ça avec Del Rio. Et bon, après, dans un Last Man Standing, t'es obligé maintenant de sortir un truc un peu comme ça. Je veux dire, le Big Show, tu peux pas malheureusement le coucher en lui faisant juste un spear ou un Superman Punch, quoi. Donc après, vu que à mon avis, au niveau de sa santé et de son âge avancé, il est pas capable de prendre des spots de ouf. T'es obligé de faire des choses comme ça, malheureusement, avec lui. Enfin, je m'attendais même à ce qu'il l'attache façon Cena Batista, quoi. Et tu sais, mais tu t'en souviens que Ricardo Rodriguez lui avait fait aussi, hein? Ouais, je m'en souviens. C'est pour ça que je m'attendais à un truc comme ça, mais non, après, le match en lui-même est largement oubliable. Roman Reigns, moi ce qui me gêne, tu parles du selling de... En fait, c'est bizarre parce que t'as Big Show d'un côté, il est tellement expérimenté que du coup, oui, ses faiblesses de la stipulation du Last Man Standing fait que ça arrive à passer quand même. Et d'un autre côté, t'as Roman Reigns. Je trouve, tu parles du selling du Big Show, mais moi le selling de Roman Reigns, il me gêne vraiment. Alors je pense que c'est dans son perso, hein, de toujours se relever et tout. Ils l'ont fait avec Lesnar à WrestleMania, là ils le font là. Mais moi, ça me gêne vraiment parce que merde, tu prends un chokeslam à travers une table de 3 mètres de haut, tu te relèves pas aussi facilement. Enfin, je sais pas, ça me gêne vraiment qu'il manque de selling, mais sur son visage. Pas si tu veux, pas dans ses attitudes, mais sur son visage. Et ça me gêne un petit peu. C'est vrai que on dirait Sina à la grande époque. Quoi. C'est vrai qu'on avait souligné, oui, qu'il riait à chaque fois à WrestleMania à un moment donné. Oh, après ils ont utilisé ça justement. Mais ils ont utilisé ça, c'est vraiment dans son personnage en fait. Le fait que visuellement il veuille pas vendre, c'est dans son personnage vraiment. Mm. Donc, Oui, voilà. Mais après, ouais. Moi ça me gêne un petit peu. Je me dis ça pourra pas aller bien loin parce que on n'est plus en 2004 quand Sina est arrivé ou en tout cas quand Sina a été et monter vraiment dans la carte. On est en 2015, donc Sina, on l'a depuis 10 ans, et on n'a pas besoin d'un Sina bis, quoi. Et je pense qu'en faisant ça, la WWE se trompe sur Roman Reigns. Je pense qu'il se trompe sur lui en pensant qu'il a un potentiel ou une destinée qui est plus grande que ce qu'il a réellement, quoi. Voilà. Après, et ça, c'est un peu gênant. Après, c'est à voir, parce que c'est sûr qu'il est quand même ressorti. Un peu gênant finalement. Que vous arrivez au même résultat. Plutôt bien du main event de WrestleMania, mais ensuite c'est la question de se demander ce qu'il peut avoir encore après, et c'est là que ça coince un peu, j'avoue là. C'est compliqué de garder, je dirais, l'élan qu'il y a eu. Finalement, le public est revenu quand même un petit peu derrière lui maintenant, donc ouais, c'est assez compliqué, moi je trouve, à garder ça comme élan. Mais bon. Ok, quelque chose à rajouter, à passer au Steel Cage Match. Alors, on passe à autre chose. Ah là là, c'est terrible. Allez, on passe. Donc, le titre de champion du monde poids lourd de la WWE mis en jeu, dans le Steel Cage Match avec... donc, le champion Seth Rollins, qui remettait son titre en jeu contre Randy Orton avec Kane qui était le gardien de la cage et puis le RKO de Randy Orton qui était banni. Donc à l'arrivée, c'est Seth Rollins qui s'est imposé après 21 minutes 2 secondes en sortant de la cage après avoir mis un RKO à Randy Orton. J'avais pas vu cette précision, moi, Bruce, que le RKO de Randy Orton était banni. C'est le RKO tout court qui était banni. Et ouais, il y a des trucs. Ah, moi j'ai bizarres. Pas compris ça. D'un côté, il y a ceux qui ont compris le RKO de Randy Orton et de l'autre, il y a et Michael Cole et Jerry Lawler et d'autres qui ont compris que c'était le RKO tout court. Le RKO, on a vu Randy Orton le frapper sur Kane et puis on a vu surtout Rollins se frapper sur Orton, comme il l'a fait dans les autres shows d'ailleurs. Ça a été rapporté qu'il s'entraînait déjà à le faire. Donc après tout, c'était pas finalement une surprise pour moi à l'arrivée. Ce match, pour le dérouler, semblait écrit. Donc ensuite, le juger, je vais d'abord laisser au Benito le juger. Tiens. Ah, moi j'ai bien aimé le match en lui-même. Je trouve que jusqu'aux interventions, on va dire, jusqu'à la fin, quoi, qui est un peu attendu finalement la fin, je trouve que le match il est bon. L'alchimie entre les deux elle est vraiment bonne, je trouve. Seth Rollins c'est le jeune loup un peu fougueux et Orton c'est le mec vraiment méthodique. Mais là pour le coup c'est vraiment le mec méthodique qui a au sang-froid et qui frappe un petit peu et qui fait jamais une frappe au hasard. Et du coup ça me plaisait bien. Il y a eu des moves hyper sympas, notamment la superplex avec Rollins en haut de la cage, le RKO sur Kane, il était bien porté, le RKO de Seth Rollins, je trouve qu'il manquait un peu d'impact, mais il était quand même bien porté aussi, il était bien aérien, bien comme il faut. Voilà, sinon après, bon, je m'attendais quand même à la victoire de Seth Rollins, donc sur ça, il y avait peu de surprises. Je m'attendais aussi à ce que Kane nous fasse un peu ce qu'il fait depuis les dernières choses, c'est-à-dire tape Rollins mais le fait quand même gagner. Donc voilà, il y avait quand même beaucoup de, on va dire, de points d'interrogation qui étaient pas des si grosses interrogations que ça, quoi. Et ça c'est un peu gênant pour un main event de pay-per-view, je trouve. Voilà, après le match en lui-même, les ça a duré quand même 15 minutes, 20 minutes, ça, Bruce? Ouais, 21. 21 minutes, ouais. Franchement, on va dire, à part les deux dernières minutes que j'ai trouvé un peu bidon. Les 19 autres minutes, je les ai quand même trouvées sympas avec deux manières complètement différentes des deux catcheurs d'aborder le match. Moi perso, je suis pas rentré totalement dans le match. Faut dire que j'étais peut-être un peu endormi par le segment qu'on n'a pas évoqué, qu'on n'évoquera pas. Baudala s'attaquait par Ryback, ah, oui. C'est tout point. Ah, oui. Mais avec Payback, d'ailleurs. Oui, c'est bon. Mais justement, ce match c'était plus une passerelle entre WrestleMania, leur rivalité qui a découlé ensuite encore pour le titre. Et puis donc pour aller jusqu'à Payback, bien sûr, où ils s'affronteront, ça c'est prévu. Donc du coup, pour moi c'était un match passerelle, même s'il y a la stipu, Steel Cage, ça donne toujours un prestige, ça donne toujours une incertitude. Mais c'est tout à fait idéal pour Rollins qui s'impose sans souci, donc d'un autre côté. Donc du coup, pour moi, bon, c'était un goût assez inachevé, je dirais, ce main event. Renaud, t'as pensé quoi? Moi, j'ai trouvé le combat plutôt bon. Comme toute la soirée, en fait. Vraiment, j'ai trouvé les matchs bons, pas exceptionnels, en fait. Il n'y a rien de marquant. Je trouve que leur match de WrestleMania 31 enterre celui-là tout de même. Il y a vraiment un niveau différent. WrestleMania 31, c'est vraiment beaucoup mieux. Après, je pense que c'est la première fois que c'est qu'un catcher soit interdit de finish dans un steel cage match. Ça, c'est assez intéressant. Moi, je me rappelle de Shawn Michaels qui avait été interdit du switch in music contre Randy Orton, justement. C'était au Survivor 2007. C'était dans un match simple. Ça avait donné un match plutôt intéressant qui tournait autour du fait que Michaels pouvait pas gagner sans son switch in music. Donc, comment il allait faire? C'était un peu la question. Là aussi, c'était un peu le truc de savoir comment allait faire Orton sans le RKO. Moi, perso, j'ai compris que le RKO était interdit que pour Randy Orton, quoi. Je veux dire, je sais pas. Pour moi, c'était RKO. Moi, ça m'a quand même gêné. Moi, ça m'a quand même gêné cette fin. Franchement. Pour moi, quand on interdit le RKO, le RKO, il appartient à Randy Orton, quoi. Enfin, je veux dire, ça m'a pas. D'ailleurs, il y a aussi un truc en parlant de prise de notre. Le RKO, il appartient à DDP et puis c'est tout. Ben oui. Bang. Ouais, non, mais ça c'est sûr, ça c'est voilà. C'est... Et d'ailleurs, Orton avait emprunté aussi un peu plus tôt dans le match Pedigree à Triple H aussi. Donc. Là, j'ai trouvé ça un bon. Ça, moi, j'ai bien aimé. Ah, ça c'était. En plus, il était très très bien porté, donc j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. Après, sincèrement, Bruce Lee, je trouve que les matchs en cage, dans cette cage simple comme ça, il y a pas tellement de grands classiques, quoi, à part le Bret Hart Owen Hart du SummerSlam 94 ou le Angle Benoit à Raw en 2001 ou plus récemment, j'avais beaucoup. J'insiste sur le beaucoup. J'avais beaucoup aimé le Triple H Lesnar de Extreme Rules 2014, où j'avais adoré le selling de Brock avec son genou, l'intensité des coups. C'est, je pense que c'est le dernier gros match en cage que j'ai bien aimé. Après, les matchs en cage, c'est jamais, au final, très intéressant, quoi. J'avais été déçu d'un Bray Wyatt John Cena aussi, assez récemment. Là, je dirais que c'est, pour moi, voilà, c'est un bon match, mais c'est pas non plus le main event. C'est à l'image de la soirée, quoi. Ça aurait été toujours bon, mais pas exceptionnel. Enfin, pour moi. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. C'est carrément. Le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était un power slam. C'était tout simple, hein. Mais le power slam qu'il porte, il est quand même énorme. Ouais. Franchement, il est énorme. T'as l'impression que Seth Rollins, il s'est enfoncé de 10 cm dans le ring. Non, c'était quand même pas mal. Ouais, après, non, franchement, le match en lui-même, disons qu'à WrestleMania, je trouve que sans stipu, avec, juste un match en 1 contre 1 comme ça, ils avaient mis la barre tellement haut que là, du coup, ça va être difficile de nous ressentir un match aussi bon. Bah, on verra Payback, hein. C'est sûr. Donc, qui rime avec. je ne sais pas. Voilà. Le bac. Voilà. donc, ah oui, aussi. Très bien, Renaud. Donc. Catch attack, tout simplement. Torturac. Excellent. Bon, bref, on va pas faire tous les trucs non plus en hack. I want you back. On va passer surtout aux notes maintenant, vu que je pense qu'il y a plus rien à dire. Bah, allons-y pour la note de Rubenito. 5,5. Tout simplement. Un petit peu. En fait, j'aurais mis 5 parce que tous les matchs, je les trouve moyens. Mais, j'ai quand même bien aimé, on va dire, deux matchs qui sont le tag team et le Chicago Street Fight. Donc, je mets un demi-point, pour la présentation et l'orthographe. D'accord. Moi, je mettrais 5 de mon côté parce que c'est le genre de note qu'on met quand on sait pas quoi mettre, en fait. Là, j'avoue, parce que c'était ni bon ni mauvais. Ça, c'est vrai qu'il y avait rien de spécial, du coup. Franchement, on ressort avec pas grand chose et de ce pay-per-view, je trouve. En tout cas, c'est mon cas. Donc, du coup, ouais, un 5. Et Renaud? Ouais, je mets 5 aussi. Et exactement pour les mêmes raisons que vous, hein, c'est exactement pareil. Et puis en plus, ces dernières années, on avait tendance à préférer le Extreme Rules à WrestleMania. C'est vrai, hein, sur les dernières années, toujours, parce qu'on les compare tous les deux, c'est souvent des rematchs en fait de WrestleMania avec des stipulations ajoutées, ce qui fait qu'on aimait bien, quoi. C'était pas vraiment pas mal. Et les WrestleMania récents étaient peut-être un peu en dessous de ce qu'on attendait, mais là, c'est vraiment pas le cas. Je trouve sincèrement que WrestleMania 31 est bien, bien, bien au-dessus d'Extreme Rules. Donc, je vais mettre 5 sur 10 aussi, parce que y a rien de mauvais, mais y a rien non plus d'exceptionnel. Donc, 5. Bon, ben c'est bien parce que ça fait quand même finalement une note assez homogène par rapport à ce qu'on a dit de 5,16. Voilà. C'est pas forcément notre moyenne, mais bon, ça reste finalement. Pour Si tu veux, je mets 5, hein, pour que ce soit plus facile à calculer. Non, mais c'est bon. Puis finalement, je me souviens aussi que quand même le jour du show, il y a quand même beaucoup de monde partout sur Internet et tout qui se demandait, bon, ah ouais, il y a un pay-per-view ce soir. Tellement C'est vrai, c'était hein. assez mal amené finalement. Ouais. Donc, du coup, ça s'en sort plutôt honorablement, uniquement par les catcheurs en eux-mêmes, quoi. Ouais, après, depuis quand même l'après Royal Rumble, c'est quand même très moyen au niveau des stories. Hein. Ah ouais. Ah ouais, alors Franchement, c'est très faible. Hein. de Ça toute façon, avouer, hein. surfe sur une Road to WrestleMania qui était mauvaise dans l'ensemble. Voilà, bon, WrestleMania, le show en lui-même, il était bon. Faut dire ce qui est, et les matchs étaient bons, etc. Ah ouais. Mais la Road to WrestleMania, elle était mauvaise. Donc quand tu suis les histoires d'avant WrestleMania et qui sont pas bonnes, c'est toujours mauvais, quoi. Et il y a plus l'attrait de WrestleMania au milieu en plus, donc ça baisse vraiment en qualité. Non, c'est sûr. Ouais. Et sinon, je voulais parler d'une autre chose maintenant qu'on a fini ce passage Extreme Rules. Ben c'est bien sûr une annonce, le retour du King of the Ring, qui va être diffusé donc ce mardi exclusivement sur le network. Bon, si vous avez 999, sinon ben, il y a les streams. Il y a watchwrestling.ch, voilà. Le Ben Network, mais bon, ça c'est. sinon, ben, il y a donc les participants. Donc on va rapidement, je pense, je vais rapidement vous demander vos favoris. Ben, le premier tour, on sait que c'est Dean Ambrose Sheamus, Neville Luke Harper, R-Truth Stardust et Dolph Ziggler Bad News Barrett. Donc premier tour à Raw et puis ensuite demi-finale et finale, donc exclusivement mardi soir sur Network. Donc Renaud, pour toi, qui est le favori juste comme ça pour Ben, succéder à Sheamus d'ailleurs, dernière édition en 2010. Voilà. ouais, voilà, ben, c'est ce qui me gêne en fait, c'est que moi je voyais Dean Ambrose, je voyais bien Dean Ambrose à la base quand il y avait ces noms-là dans ce tournoi, mais finalement en fait tu me dis que Dean Ambrose tombe contre Sheamus, c'est ça? Ah ouais, ça fait un peu une finale avant la lettre, mine de rien. Franchement grave. Et je vois pas du tout Sheamus sortir maintenant, donc moi je lui dis que le favori ça reste lui quand même. Je dirais Sheamus encore. Ah d'accord. Ouais. Oh, Benito. Je suis un peu pareil, moi je vois une finale Sheamus-Ziggler pour justement continuer leur rivalité. Et je vois Sheamus gagner. Moi, bizarrement, je vois tout à fait autre chose. Du Dean Ambrose, Bad News Barrett, à vrai dire. Comme quoi, vraiment dans le particularisme. Après, c'est vrai que remarque, ça peut très bien se diriger vers Sheamus Ziggler, mais moi, je veux un petit peu d'inédit. Et puis, je me dis qu'Ambrose, après tout, il peut tout à fait gagner le King of the Ring. Donc, Ah bah bien sûr, en fait, rien. il faut varier un petit peu. Allez, écoutez-moi les Mais tous y cœurs. peuvent, hein, à part les six autres, tous y peuvent. Ah oui, non, c'est sûr. Donc voilà, après donc ceci on peut passer donc déjà au rappel bien sûr que vous nous écoutez sans doute parce qu'il y a aussi moyen en même temps pour suivre en live sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et puis on remercie déjà toute la vague d'abonnements qu'on a eu dernièrement. Ensuite vous pouvez nous suivre si ce n'est pas déjà le cas non plus sur Twitter @WesselsRadio, sur Facebook Wessels Radio. Et bien sûr, après, vous pourrez écouter ce podcast si vous ne pouvez pas suivre en live sur archive.org et sur iTunes. Voilà. Les partenaires avec Voxcatch et d'abord la review comme d'habitude qui a été écrite, je crois, par Pierre. Ensuite, il y a FN Lutte, bien sûr. La British Wrestling Revival. Ma chaîne de catch et Lucha Underground FR, et d'ailleurs le rappel en parlant de Lucha Underground de la superbe interview qu'on avait faite avec Cage, Brian Cage, amenée par Rubén Nitto. C'était quand même un sacré moment et quelque chose à vraiment écouter, un Ouais, catcheur à découvrir. c'était cool. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis bien sûr, vous pourrez, si vous le voulez, revisiter aussi toutes nos interviews passées. On a quand même eu de jolis petits noms, dont un en trois lettres. Yo, monkey, it's me, DDP. Donc voilà. Ben, le prochain rendez-vous, ça sera, en tout cas, ça sera, oui, le 7 mai. Ce sera donc Payback. Ça arrive assez vite. Donc C'est pas le on 17 mai? ah le 17 mai. Qu'est-ce que je dis? Pourquoi le 7 mai? Je suis obsédé par le 7 mai. Je sais pas pourquoi. C'est pas la finale de la Ligue des Champions, non, c'est pas Non, c'est un jeudi, donc rien à voir. Mais non, bien sûr, le 17 mai, on vous retrouvera donc assez vite, dans 3 semaines. Bon, peut-être un jour différent, on verra. C'était une expérience, donc on va voir comment ça a marché. On espère que vous avez aimé. Et en attendant, ben, n'hésitez pas à parler autour de vous de nous. Merci beaucoup en tout cas à vos réactions sur YouTube et sur Twitter. Et puis ben, bonne soirée à vous. Et puis bonne semaine de catch. Et puis ben merci beaucoup à Renaud et Rubenito d'avoir été avec moi. Voilà. Ben, merci ciao. Les gars. Merci beaucoup. Salut les amis. Ciao ciao. It's a new day. Yes it is. The moment is here, get rid of your fears, no time for the tears, because we gon' make it. The future is ours, cause we got the power in the palm of our hand, given the chance, you know, take it. And when it seems everything's wrong and the pressure is on, that's when it's time to be strong. Just look in the mirror and wipe your face, step up to the plate, cause it's time to be great. So come on and embrace the new day, come on and live life a new way. Don't stop till you reach the top, and while them haters keep hating, you'll be winning a race. You gotta believe you can get it. Open your eyes and see your dreams. And the distance from all hope and the wishing. We are the privilege. Through faith, all things are possible. And with the power inside, ain't no stopping you. We won't hesitate to fight for a better day until we inevitably claim our victory. No more time for depression and stress. Prepare despair with the power of blessing. No fear in here. We use faith as our weapon for the new day, new way with no half seconds. Stop looking for who you gotta be. Let it go, who's got both. The world is fresh, cold again.